Dans la salle à manger du presbytère, monsieur le curé et le marquis sont debout devant la table toute prête pour un bon repas. Monsieur le curé finit de dire le bénédicité. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Oh, Céleste a oublié le pain. Céleste! Céleste! Le pain! Notre pain! C'est un fait que le pain du nouveau boulanger est un pain extraordinaire. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons dû manger du pain dur, enfin, ou du moins rassis pendant 2 mois, mais notre pain frais est véritablement un régal. Hier, j'en ai mangé si volontiers qu'il faudra peut-être que je m'en confesse. Eh bien, Céleste, et ce pain? Voilà, monsieur le curé, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Toute la fourmi a brûlé. Mais comment ça? Plongé ne veut plus en faire, hein. Il a dit qu'il n'en ferait plus tant que sa femme ne reviendra pas. Et avec ça, il s'est saoulé comme un cochon. Sauf le respect que je dois à monsieur le curé. Il rit, il pleure, il parle en même temps. Oh, ça doit être curieux de voir ça. Et même à propos de sa femme, il a parlé de monsieur le curé. Quoi? Et il croit que ça vous fait plaisir qu'elle soit partie. Oh. Il était au sermon ce matin. Il aura mal compris. Il a certainement mal interprété mes paroles. Il faut aller le calmer, monsieur le marquis. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Allons vite essayer de le ramener chez lui.